Savez-vous planter Windows à la mode, à la mode? Savez-vous planter Windows à la mode de Bilou? Allez, ouais, come on, crachons le système, ouais. Savez-vous planter Windows à la mode, à la mode? Savez-vous planter Windows à la mode de Bilou? Do you know to crash Windows at the fashion, at the fashion? Do you know to crash Windows at the fashion of Bilou? Savez-vous planter Windows à la mode, à la mode? Savez-vous planter Windows à la mode de Bilou? Oui. Do you know to crash Windows at the fashion, at the fashion? Oui. Do you know to crash Windows at the fashion of Bilou? Allez, ouais, come on, crachons le système, ouais. La la la la la, ça a planté, ça a planté. La la la la la la la, si le système est planté. Savez-vous planter Windows à la mode, à la mode? Savez-vous planter Windows à la mode de Bilou? Do you know to crash Windows at the fashion, at the fashion? Do you know to crash Windows at the fashion of Bilou? Planté! C'est la marmelade de ma grand-mère, c'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade ce soir sous les ponts. Dansons la marmelade ce soir, mon garçon. C'est la marmelade de ma grand-mère, c'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade ce soir sous les ponts. Oh,

Windows.